J'aborde une zone de travaux et ces feux temporaires alternent la circulation. Les couleurs se succèdent dans l'ordre suivant. Jaune clignotant sur le feu inférieur, jaune fixe sur le feu médian, rouge sur le feu supérieur. Le jaune clignotant sur le feu inférieur m'autorise donc à passer en réduisant ma vitesse. Réponse